Chapitre 2e. Les Français de 1842 n'étaient pas les premiers Européens qui eussent tenté de s'établir au Gabon. Déjà, vers le milieu du siècle dernier, les Portugais, alléchés par l'espoir d'y trouver quelques mines d'or, avaient pris possession de l'île de Coniquet. Après des recherches infructueuses, ils se retirèrent, laissant comme trace de leur passage de petits canons que l'on voit encore à Coniquet et à Fortin, dont on a quelque peine à retrouver les débris. Mais ils conservèrent des relations avec le pays et au beau temps de la traite, ils y faisaient fructueusement leurs affaires. Les Portugais ont toujours été les plus ardents négriers de toute la côte. Nous ne sommes plus au temps où leur grande colonie de Saint-Paul de Luanda tirait de ce commerce une immense richesse, et où le seul ordre des Jésuites y possédait plus de 12 000 esclaves. Bien déchu aujourd'hui de son ancienne splendeur, la capitale de la province d'Angola tombe en ruine. Mais elle monte encore sur la plage le fauteuil monumental d'où son évêque bénissait ex cathedra, étant par tête les esclaves qui défilaient devant lui, tout tremblant sous le fouet du négrier, et allaient s'embarquer pour quelque région inconnue. Bizarre acquiescement donné par la religion à la violence, association que nos mœurs actuelles déploreraient comme une monstruosité, mais à laquelle ne répugna nullement la morale facile du siècle dernier. Le fauteuil épiscopal est vide aujourd'hui, mais je ne voudrais pas jurer que dans le cœur des Portugais de Saint-Paul ne vit pas encore le regret de ce passé si prospère et si fécond en facile richesse. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit des Gabonais, les deux idées de Portugais et de négriers sont irrésistiblement associées, et le chef d'un village qui veut effrayer un de ses sujets le menace volontiers de le vendre aux Portugais. Pour le dire en passant, ce n'est pas toujours une belle menace, car malgré la présence de notre pavillon, il se fait de temps à autre quelques coups de traite dont les agents sont toujours des goélettes ou même de simples pirogues portugaises venues de l'île voisine de Saint-Tomé. Sauf ces communications irrégulières avec les Portugais, le Gabon semble avoir eu longtemps peu de relations avec les Européens. Il est douteux qu'il ait été fréquenté par les Diepois. L'industrie de l'ivoirerie encore si vivante à Dieppe témoigne de ses anciennes relations avec la côte d'Afrique, mais les villages de Grand et Petit Dieppe qui perpétuent son nom au nord du golfe du Bénin semblent indiquer que là s'est arrêté son commerce. Herdman Iser, médecin du comptoir danois de Christiansborg à la fin du siècle dernier, parle d'un commerce de bois de teinture que le Gabon faisait avec les Anglais. Mais ces esclaves étaient peu estimés, et aux Antilles on ne les plaçait qu'à moitié prix. Messieurs de Flotte, de Grandpré et autres officiers envoyés à cette époque pour protéger les négriers français contre les Portugais à Cabinda et à Olango, c'est-à-dire tout près du Gabon, ne parle de celui-ci que pour signaler son extrême insalubrité. En 1803, la Barthe, dans ses instructions sur la traite, en détourne les capitaines à cause de dangers qui présentent la navigation. Mais les chefs gabonais tenaient à tirer chez eux ce commerce lucratif. Ils se firent pilotes et la traite prospéra, sans prendre jamais du reste une bien grande extension. Les traités de 1830 et 1834, conclus entre les nations européennes, lui portèrent un coup mortel, bien qu'il n'ait pas reçu tout d'abord une stricte exécution. On pouvait croire que les indigènes habitués à recevoir des Européens tous les objets nécessaires à l'existence et ne pouvant plus s'en passer, tourneraient leur activité vers quelque commerce plus licite et qu'ils tireraient parti de la fécondité de leur sol en s'appliquant à quelque culture lucrative. Il n'en fut rien, soit impuissants des Européens les diriger dans cette voie féconde, soit plutôt inertie et paresse incurable de leur part. Incapables de demander au travail de la terre les éléments d'un commerce régulier, ils ne firent que de faibles efforts pour se relever du coup que leur portait la suppression de la traite. Ils parvinrent à vivre, mais jamais à prospérer. L'intérieur du pays possédait des richesses très recherchées par le commerce. Le santal, ce bois de teinture dont nous avons déjà parlé, le bois d'ébène et les dents d'éléphant. Les Gabonais exploitèrent ces ressources et servirent de courtiers entre les Européens et les tribus qui habitent les lieux de production. Mais c'est là un commerce essentiellement destructeur. Les bords des rivières sont aujourd'hui dépeuplés de bois précieux. Il faut aller très loin pour trouver le bois rouge en quantité commerciale, plus loin encore pour rencontrer les béniers, et quant aux éléphants, leur nombre a aussi considérablement diminué. Le pays s'épuise, et il n'est pas difficile de prévoir le jour où, faute d'avoir su administrer ses richesses et en créer de nouvelles, il deviendra profondément misérable. Il y a quelques années, les Français ont entrepris un nouveau commerce, celui du caoutchouc. Ce sucre résineux s'extrait de 3 ou 4 lianes portant le nom commun de Ndambo et appartenant probablement au genre Carpodinus de la famille des Apocynées. C'est une production annuelle. Ce serait par conséquent une source régulière de bénéfices. Mais elle sera bientôt tarie par l'avidité des exploitants qui coupent les lianes à l'aventure, les saignent sans merci et, pour achever de ruiner l'avenir, déconsidèrent leurs produits par les plus fâcheuses adultérations. On voit donc en définitive que ce n'est pas par les ressources qu'il nous offre que le Gabon peut réellement nous intéresser. C'est par son originalité propre et par l'attrait qu'offre toujours aux membres de la grande société européenne l'étude de ces sociétés rudimentaires qui sont probablement aussi vieilles que la nôtre et qui n'ont pourtant pas su s'élever au-dessus de l'état de nature, soit que la molle atmosphère et les conditions faciles d'existence dans lesquelles elles se sont développées aient seules stérilisé leur intelligence, soit plutôt que leur race, frappée d'une impuissance originelle, fut condamnée, en quelque lieu qu'elle eût vécu, à une irrémédiable imperfection. Le bassin du Gabon permet de voir de près plusieurs de ces petits peuples africains. Celui du fleuve Ogowaye en fera connaître de plus intéressants encore, le jour où on en voudra faire une exploration complète, car ses habitants sont vierges de toute influence européenne, et même de cette influence mahométane qui a poussé les racines si profondes et si vivaces dans le nord et dans l'ouest du grand continent africain. La partie méridionale de cette région absolument inconnue a été visitée récemment par un hardi chasseur, M. Belloni du Chaillu, créole du Sénégal, qui était membre de notre petite colonie gabonaise, mais qui est devenu depuis et du même coup un citoyen américain plein d'ardeur pour sa nouvelle patrie et un anglican plein de ferveur pour la Bible. En 1862, Monsieur le lieutenant de vaisseau Serbal et moi avons également visité une partie absolument inconnue du fleuve Ogowaye. Je raconterai cette exploration quand j'aurai montré ce qu'est le Gabon proprement dit et par quels gens il est habité. La population de ce pays se divise en 4 groupes parlant des langues différentes. Les Mpongwe ou Gabonais proprement dit, établis au bord de la mer et à l'entrée des rivières. Les Chekianis qui habitent les terrains boisés environnants et auxquels pour ce motif les Gabonais ont donné le nom de Boulou que nous avons adopté qui signifie « homme des bois ». Les Bakalais et enfin les Fan ou Paouin. Ces 4 races ne sont pas originaires du pays, elles viennent de l'intérieur. Les Paouins, dont les appétits cannibales ne sont que trop authentiques, sont la plus remarquable et la moins connue. Ils n'ont fait leur apparition que depuis quelques années, venant directement de l'Est, poussant devant eux les Bakalais et se rapprochant rapidement de notre territoire, ils se formeront un jour la population la plus importante. Ces migrations sont communes à la côte d'Afrique. C'est évidemment le désir de commercer directement avec les Européens qui attire ces populations vers la mer, source de toute richesse. Nous y gagnons de pouvoir examiner de près des races dissemblables, mais elles-mêmes y perdent rapidement leur originalité. Trouvant dans de faciles échanges commerciaux tout ce qui peut satisfaire leurs besoins, elles perdent leurs usages traditionnels et caractéristiques, oublient leurs anciennes industries et altèrent même, par des unions étrangères, leur cachet originel.